Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission Le Terminus en ce vendredi 30 novembre. Je m'appelle Jean-François Lusignan. On est ensemble pour la prochaine heure pour écouter du rock indépendant, de l'indie rock. Mais attention, je vous préviens, ce soir, ça va peut-être un peu moins graffiné que d'habitude. Ça va être un peu plus léger comme sélection musicale. En fait, je m'en suis rendu compte tout à l'heure en consultant la liste des chansons que vous allez entendre. Parmi celles-ci, il va y avoir du Teen Mom, Guided by Voices, Cascadia, un groupe de Vancouver, également du Holograms et une toute nouvelle chanson des Montréalais de Suns. C'est un peu un avant-goût d'un album qui va sortir au début de l'année prochaine. On va débuter avec un groupe qui a lancé peut-être longtemps un EP qui s'appelle Shonen Arts et le groupe s'appelle lui Parakeet. Et ce EP-là fait son entrée justement cette semaine sur le palmarès de CISM. Il s'agit d'un trio qui est formé de la bassiste, si je ne me trompe pas, du groupe Yoke et qui chante dans ce trio-là. Donc, ils ont fait dans les dernières semaines la première partie de Dive pendant leur tournée européenne. Attendant leur première visite à Montréal, on va entendre donc un extrait de ce EP-là, Shonen Art, même la chanson qui donne son nom du groupe Parakeet sur les ondes de CISM. Deux groupes de Londres. Vous avez tout d'abord entendu Parakeet qui commençait le segment et c'était tout juste ce que vous venez d'entendre. C'était Cheetahs et la chanson The Swan qui est tirée de leur premier EP qui est sorti la semaine dernière. Et Cheetahs vont venir jouer à Montréal en première partie de Veronica Falls. Si ça vous intéresse, ce sera le 10 mars prochain. Voilà, au Divan Orange, voilà, à Montréal, sur Saint-Laurent. On va continuer avec un trio de Washington qui font une espèce de pop-rock qui est quand même pas vilaine. Il s'appelle Teen Mom. Voici I Wanna Go Out sur les ondes de CISM au Terminus. Oh, masqué suggérait d'aimer. De ton bord, t'écoutes quoi dire avant de parler. J'avance que quand on me laisse passer, tu ne changes rien sans consulter. J'accepte la place qu'on m'a donnée. Téléphérique avec le Mirage. Et le téléphérique, il s'agit du projet solo d'Éric Vigneault qui était par le passé, avant en fait de faire ce projet-là, au début des années 2000 dans le Power Trio volume 10, si ça vous dit quelque chose. Donc téléphérique qui a seulement donné un album jusqu'à maintenant, un album qui remonte à 2008 et pas de nouvelles depuis de ce projet-là. Autre qui a seulement une page MySpace, donc je soupçonne qu'il se passe pas grand-chose, même que le projet aurait peut-être même été abandonné. Enfin, c'est à suivre. Et avant téléphérique, c'était Kepler avec Mieux qu'ici. Et on va maintenant débuter le prochain segment avec toujours de la musique en français, du rock en français. Ça va être le projet d'Arnaud Michniak, qui est l'ancien acolyte de Monsieur Clou dans Diabologum. On va entendre donc du projet Non-Stop la chanson « Faut pas rester là » sur les ondes de CISM. Quand on arrivera devant la porte, on mettra des grands coups de poing. Des grands coups de poing à la porte, on prendra une barre de fer et on frappera de toutes nos forces, de toutes nos forces dans la porte. Et quand elle s'ouvrira, ceux qui l'ouvriront, on les jettera dehors, on les jettera dehors de toutes nos forces. Et tout ce qu'il y a derrière, on le cassera, on le cassera tant qu'on le pourra. D'un cimetière non fumeur. Jamais envie de me souvenir des rêves. Pour bien gagner son bœuf. Très vite je pense bêtement. Ramasser ses bras. Mécaniquement. Numéroter ses os. Le bruit de la radio devient une chanson oubliée. On demande un traître. Tu veux pas y ça aller. Ça arrive de plus en plus souvent que je me réveille avec le passé. Les porteurs d'eau sont morts de soi. C'est normal. Les croque-morts sont syndiqués. Décide aujourd'hui était adolescent il y a 15 ans. Le poisson pourri par la tête. Jugé alors sévèrement une époque précédente. Tout est bon quand on la fait. Aujourd'hui ils acceptent la ça présente. Réveille la nuit. En niant que sont eux les adultes maintenant. Les nouveaux robots, les nouveaux chiffres. Cerise à son gâteau sur les bras. Sans la camisole, faut pas rester là. Et quand on nous emmènera, on se débattra. Tant qu'on pourra. Un trio de Vancouver, Cascadia, avec la chanson Lock Pick, et ça se retrouve sur le EP Conditionally, qui est sorti il y a tout juste un mois et qui est en écoute sur Bandcamp si vous voulez écouter le EP au complet de ce groupe de Vancouver. Et c'était précédé de Guided by Voices, qui sont de retour. Retour en force, parce que depuis le début de l'année, donc c'est leur deuxième album qu'ils viennent de sortir. Deuxième album qui s'appelle The Beers for Lunch. Et vous avez entendu la chanson Hangover Child de Guided by Voices. Alors voilà, on va poursuivre tout de suite avec maintenant un groupe qui sont anglais, il me semble. Il s'appelle Splash avec deux H à la fin. Sa chanson Washed Up. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je suis avec vous jusqu'à 22h pour l'émission Le Terminus. We'll be right back. Shackleton de Statue Park, un nouveau groupe local dont je ne sais pas trop quoi encore penser, autre que qui sonne pas mal comme The Steels, un groupe local également, qui sonne en fait le même son que sur leur premier album de Steels à l'époque. En fait, il ne semble pas avoir de lien autre que leur origine entre ces deux groupes-là pour l'instant, à moins que je manque certaines informations. Alors, c'était donc Statue Park, Shackleton. Il y a une deuxième chanson aussi qui est sortie dernièrement. Ça s'appelle Letter Before Leaving. Et ces deux chansons-là sont disponibles sur leur site Internet. On est maintenant rendu au segment du classique de la semaine à l'émission. Cette semaine, j'ai choisi pour vous Minutemen. C'est tout droit sorti des années 80. Ça va être l'album Double Nickels on the Dime qui remonte à 1984. Et Minutemen, un groupe qui aurait été actif là, dans la première moitié des années 80, donc de 80 à 85, année où le chanteur et guitariste du groupe Dee Boone est décédé malheureusement. Et le groupe était vraiment sur une lancée à partir de ce moment-là, depuis 84-85. Ils avaient sorti justement l'album qu'on va entendre, mais ça allait vraiment bien. Et là, ça s'est dramatiquement arrêté. Et ils avaient réussi vraiment à faire une espèce de mélange de punk, de rock et de jazz. C'était vraiment intéressant. Là, je commence tout dernièrement, j'ai commencé à m'intéresser à ce groupe-là, Minutemen. En tout cas, on va entendre tout de suite la chanson de l'album, donc Double Nickels on the Dime, la chanson The Glory Man, tout de suite à l'écoute de CISM, le 89.3. Of man, I work my way backwards using cynicism. The time monitor, the space Messieurs, dames, avec partir du EP Messieurs, dames, qui est sorti l'année dernière. Et c'était précédé de mon coup de cœur de la semaine, je pourrais dire, Hidden Structures de Holograms, qui en fait une chanson que le groupe avait sortie autour du mois d'avril dernier, donc quelques mois avant la sortie de leur super bon album qu'ils ont sorti à la fin de l'été dernier. Donc allez voir ça, cette chanson-là, Hidden Structures de Holograms, si vous avez aimé leur premier album. Dans quelques instants, c'est Zika Mendes qui s'en vient et son émission Lam Hi-Fi comme d'habitude. On a le temps quand même d'écouter une dernière chanson. Ça va être Soons, le groupe local, qui a sorti cette semaine un premier extrait de son prochain album à paraître en mars de l'année prochaine. Il va s'appeler déjà, on le sait, Images du futur. Et c'était, je crois, sur Pitchfork hein, qui ont eu l'exclusivité de cette chanson-là. Mais là, maintenant, on y a accès. Une chanson qui s'appelle Heidi's Dream de Soons. Si vous voulez réécouter l'émission, ça sera disponible dans quelques minutes sur le CISM893.ca, également la feuille de route, également aussi le terminus.ca. Alors voilà, je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine également. On se reparle vendredi prochain, 21h, pour le Terminus. Ciao! Les lundis soirs, 22h, c'est les criquets crinqués. Des bonnes tunes, des primeurs, dans le monde de l'indie rock, du post-rock, du shoegaze, de l'électro et plein d'autres bébites. Les criquets crinqués, c'est ta dose de musique moderne. Les lundis soirs, 22h, sur les ondes de CISM, le 89,3 FM. Téléphone, l'application Tabasco Thierry. Thierry, c'est lundi soir. Qu'est-ce que je peux faire? Pas de problème. Va immédiatement au Tabasco Bar t'hydrater, car ce soir, lundi, c'est notre soirée mojito double. Thierry, j'aime pas trop les blondes. Que dois-je faire? Pas de problème. Il y a des rousses, des brunes et des ambrées. Thierry, j'aimerais faire autre chose que de jouer au billard ce soir. Pas de problème. Descends immédiatement de 2 étages et défoule-toi sur ma piste de danse. Thierry, je viens de rencontrer un gars qui danse comme un dieu et je cherche un endroit pour prendre un verre et discuter avec lui. Pas de problème. Je vous ai réservé la banquette. La serveuse arrive immédiatement. Thierry, merci pour la belle soirée. À bientôt. Pas de problème. C'est mon travail. TabascoBar.com. Tes week-ends sont plutôt secs? Écoute les préliminettes. Le samedi, de 23h à minuit. Fans de snowboard et de freeski, ne manquez pas le Amnesia Shack Attack propulsé par Rogers. Samedi le 15 décembre à 19h sur la rue Saint-Denis entre Sherbrooke et Ontario. Parcours unique avec 3 000 $ en bourse. Ensuite, dès 23h, l'ambiance après-ski Griffon se déplace à l'Abreuvoir. Une soirée remplie d'action sur la rue Saint-Denis dès 19h le 15 décembre. Pour plus d'informations, amnesiashop.com/Shack Attack. HEC Montréal. Ces lettres vous mèneront loin. Multilingue international, le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal vous est offert en français, bilingue français-anglais ou trilingue français-anglais-espagnol. Le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, une expérience universitaire à votre portée. Pour vivre une expérience exceptionnelle dans une université renommée et internationale. Informations, hec.ca. HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. Jusqu'où irez-vous? Evenco et Greenland présentent All Time Low et Yellow Card.